Salut. أي أصل من الأصول أخذنا إلى هنا؟ On a pris quelle base parmi les bases de la religion jusque-là? Riyad. إخلاص. نعم، الأصل الأول إخلاص الدين لله عز وجل. ونحن ما زلنا في ذكر ما يتعلق بهذا الأصل. Donc on est toujours dans ce grand fondement de la religion qui n'est autre que le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Car comme vous le savez, le but de cette création n'est autre que l'adoration. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » وَقَالَ subhanahu wa ta'ala. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. الآية. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aussi, j'ai décrété, ou ton Seigneur a décrété, qu'on ne doit adorer que nul autre que lui et être bon envers les parents. نعم. وَأَدِلَّتْ هَذَا الْأَصْلِ كَثِيرٌ. Et les preuves de sur ce premier fondement, elles sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. Comme a dit Jabir ibn Abdullah, annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar. Wal hadith rawahu Muslim. Ça, c'est une preuve de la sunna, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, sur l'obligation du tawhid et le fait de s'éloigner du shirk. Naam. Lorsque le prophète alayhi salam, il dit, celui qui rencontre Allah sans rien lui associer, Allah lui accordera le paradis. Et celui qui lui associe quoi que ce soit, Allah lui réservera l'enfer. Naam. Ils n'entendent pas. Tu peux voir monter le son en fait. Bismillah. طيب. على كل حال نواصل في القراءة. طيب من قال أن القرآن كله في تقرير التوحيد فالفاتحة كلها توحيد؟ من قال هذا الكلام؟ ريان سكي كذي سبغلا que le Coran tout entier il évoque le tawhid et la sourate al-Fatiha. Chaque verset de la sourate al-Fatiha, il y a l'évocation du tawhid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tawhid. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tawhid. Malik yawmiddin, tawhid. Kullu hadhihi al-ayat, tawhid. Man qala hadha? L'imam ibn al-Qayyim, na'am. L'imam ibn al-Qayyim. Tayyib. Wassalna 'inda qawl الإمام العثيمين عليه رحمة الله. العثيمين كنيته واسمه واسم أبيه يا مسلم شيخ العثيمين. شيخ العثيمين كنيته أبو عبد الله. كنيته أبو عبد الله واسمه محمد. واسمه محمد وأبو صالح. نعم. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, sa kunya, c'est Abu Abdullah, son prénom c'est Mohammed, et le nom de son père c'est Saleh. Taïb. Fayaqoul, Cheikh Al-Uthaymeen, yani Cheikh Al-Uthaymeen, il évoque dans le charh qu'il a fait du livre de Qawa'id al-Hisab de l'imam Sa'di, il évoque une faïda jamila sur le fait que le Coran tout entier, il parle du tawhid. Le Coran tout entier, il évoque le tawhid et il évoque aussi le shirk. Faqala, inna Allah ta'ala yuqarrir tawhid al-uluhiyya fi al-Quran, imma bi kamali sifatih, wa imma bi tawhid al-rububiyya. ولهذا يستدل الله عز وجل على هؤلاء المنكرين لألوهيته بالربوبية. طيب ساس فائدة جميلة للشيخ العثيمين qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué dans son Coran le tawhid al-uluhiyya, le tawhid de la divinité. Comme vous le savez, il y a différents types de tawhid. Tawhid ماذا يا ريان؟ توحيد الألوهية لتوحيد الديفينيتي توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية لتوحيد السينيوري توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات نعم دونك شيخ العثيمين il évoque que Allah سبحانه وتعالى a certes évoqué et confirmé le توحيد de la divinité dans son Coran. Soit en évoquant la perfection de ses attributs, ou soit en évoquant le tawhid de la seigneurie. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il évoque le tawhid de la seigneurie dans le Coran, on pourrait se dire, le tawhid de la seigneurie, la plupart des mouchriquins, ils ont cru en ce tawhid-là. Pourquoi Allah il l'évoque dans le Coran? Le fait que la personne, elle croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui dirige toutes les affaires. C'est lui qui fait vivre, qui fait mourir. Ça, les kuffars, ils croyaient en cela. Taïb. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué ça dans le Coran? Ça amène au Coran. Okay. Pour prendre d'associés. Pour pas prendre d'associés. Parce qu'ils croyaient en Allah, mais ils prenaient des associés pour atteindre Allah. Ils croyaient que c'était plus facile. C'était plus simple. Taïb, mais encore. Ça amène au tawhid ou le vir. Naam. Parce qu'en fait, le fait que ces mouchriquins, ils reconnaissent que Allah c'est lui le créateur, que c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui dirige l'univers. S'ils reconnaissent ça, ça va impliquer qu'ils ne doivent pas adorer autre que lui. Si tu sais que c'est lui qui t'a créé, comment tu vas adorer autre que lui? Si tu sais que c'est lui qui te donne le risque, Laylan wa Naharan, comment tu vas adorer autre que lui? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué le tawhid al-rububiyya afin d'indiquer le tawhid al-uluhiyya. Mafoum ? Vous avez tous compris ça ? Hein ? Si c'est pas compris, je répète parce que c'est très important cette parole-là. لهذا يستدل الله عز وجل على هؤلاء المنكرين للألوهية بالربوبية. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appuie sur ce qui prouve sa seigneurie pour affirmer son droit d'être adoré. طيب ثم قال إذ أنه يلزمهم إذا أقروا أن الله وحده الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لازمهم أن يعبدوا إلا إياه وحده لا شريك له ولهذا نقول إن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة. طيب. Donc là, en gros, c'est ce que je vous ai expliqué. Que Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, ils entendent mal. طيب, Inch'Allah, Aaron va augmenter le son, Inch'Allah. طيب. على كل حال, vous retenez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a évoqué le tawhid al-rububiyya, s'il a évoqué le tawhid de la seigneurie dans le Coran, c'est uniquement pour pousser et pour imposer à croire au tawhid de la divinité qui n'est autre que le fait de l'adorer seul sans rien lui associer. طيب. ثم قال ولهذا نقول إن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن التوحيد الربوبية مستلزم للتوحيد الألوهية. Ça c'est une faïda aussi de Cheikh Al-Uthaymeen qui dit c'est quoi le lien entre les trois formes de tawhid? توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. C'est quoi le lien entre cela? Il dit que le lien entre ces trois catégories de tawhid, c'est que le tawhid al-rububiyya, le tawhid de la seigneurie, il implique et il suscite le tawhid de al-uluhiyya, de la seigneurie. C'est-à-dire le fait que tu reconnaisses qu'il n'y a qu'un créateur et que c'est lui qui octroie la subsistance, cela, ça implique que tu l'adores. Cette reconnaissance que tu as d'Allah Azzawajal implique que tu l'adores, seul, sans rien lui associer. Taïb. Wa tawhid al-uluhiyya mutadamminun li tawhid al-rububiyya. Et le tawhid al-uluhiyya, le tawhid de la seigneur, de la divinité, c'est-à-dire le tawhid qui sous-entend que tu adores Allah Azzawajal, ce tawhid-là, il comprend le tawhid de la seigneurie. Celui qui dit que tu reconnais que Allah, c'est lui le créateur. C'est lui, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. هذا مفهوم؟ طيب. فالتوحيد الربوبية مستلزم للتوحيد الألوهية. Et est-ce que le fait que la personne elle croit au توحيد الربوبية, ça implique forcément le توحيد الألوهية؟ Non. Et Mohamed, est-ce que la personne qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, c'est celui qui fait descendre le risque, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir, c'est celui qui dirige l'univers. Est-ce que ça, cette croyance-là, elle sous-entend que c'est lui seul qui mérite d'être adoré? Elle sous-entend ça, mais après ça ne veut pas dire forcément que les gens le font. Naam. Elle sous-entend ça. Voilà, naam. Ahsant. Elle sous-entend ça, mais ça ne veut pas dire forcément que les gens... ils le font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas celui qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui accorde le risque. Ça veut pas dire que lui, parce qu'il croit cela, qu'il est musulman ou qu'il est rentré dans l'islam. Tamam? Mais au contraire, il faut qu'il voue son œuvre et son adoration pour Allah azawajal, seul, sans rien lui associer. Avec ça, tu comprends qu'il y a beaucoup de musulmans qui peuvent dire la ilaha illallah, mais en fait, ils ne sont pas sortis de da'irat shirk. Malgré qu'ils ont dit la ilaha illallah. Donc il y a beaucoup de musulmans qui peuvent dire avec la bouche la ilaha illallah, mais comme dans leurs œuvres, ils œuvrent et ils adorent à des moments donnés autre qu'Allah, Azza wa Jal, comme les soufis qui font des prosternations devant des tombeaux ou des tawaf, des tours autour des tombeaux, des vœux pour des morts. Tout ça c'est du shirk, billahi Azza wa Jal. Naam. على كل حال الشيخ العثيمين يبقى يدي والتوحيد طيب أن التوحيد العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن التوحيد الربوبية مستلزم للتوحيد الألوهية والتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية لأنه يتضمن كمال صفاته سبحانه وتعالى. طيب، c'est quoi le lien du tawhid al-asma wa sifat? Le tawhid al-asma wa sifat, ça veut dire quoi, Ismaïl? Hein? Voilà, le tawhid des noms et des attributs. Ça veut dire que tu affirmes les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué dans le Coran ou dans la Sunna et que tu n'associes rien à ces noms-là. Tamam? Naam. Donc c'est quoi le lien du tawhid al-rububiyya avec les autres catégories de tawhid? Le tawhid al-rububiyya engrange automatiquement normalement les deux tawhid. Le tawhid al-rububiyya il engrange les deux tawhid. Bah ça va être sûr. Si tu crois vraiment, donc les deux autres normalement ça doit. Ouais, ça implique. Ouais. Ça implique que tu crois aux autres, mais celui qui a le tawhid al-rububiyya, il n'est pas forcément. Non, pas forcément. Il n'a pas forcément tawhid al-uluhi. Donc, c'est quoi le lien du tawhid al-asma wa sifat avec les autres? C'est le tawhid al-rububiyya qui se joint avec le tawhid al-asma wa sifat. Parce que dans le tawhid al-rububiyya, c'est le fait de reconnaître qu'Allah donne le risque. Voilà, naam. Naam. Donc le Tawhid al-Asma wa Sifat, en vérité, Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est une branche parmi qui rentre dans le Tawhid al-Rububiyya. Tamam? Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est ça rentre dans le Tawhid al-Rububiyya. Et c'est pourquoi certains ulama, qadiman, ils ne divisaient pas le Tawhid en trois, mais ils divisaient en deux. Tawhid al-Rububiyya wa Tawhid al-Uluhiyya. Wa al-Asma wa Sifat kana dakhilan في مسمى التوحيد الربوبية. نعم. طيب، on continue dans l'explication des paroles de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab. فلما قال وقوله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار. طيب. Ensuite, quand le Mu'allif dit, après avoir évoqué que le premier asl et l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et que Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié l'évocation de ce point dans le Coran, il dit cependant, après cela, la communauté sara ala athari umma ma sara. Yani, la plupart de la communauté a été touchée parce qu'elle a été touchée. Tamam? ما معنى هذا؟ أي من ظهور الفتن والبدع وتقليد الكفار. C'est-à-dire, ce qui a touché cette communauté ou la plupart de cette communauté, ce n'est autre que l'apparition des troubles. Que ce soit les guerres, que ce soit la montée des prix ou autre, tout ça, ça fait partie des fitan, des troubles. وكذلك البدع. Zuhur al-fitan wal-bida', ainsi que les innovations, l'apparition de énormément d'innovations. Wa kadhalika taqlid al-kuffar. Et aussi, parmi les mots qui ont touché la communauté, ou beaucoup, un grand nombre de cette communauté, le fait d'imiter les mécréants. Wa hadha mimma yufidu wa yadullu ala sidqi nubuwati Muhammadin alayhi salatu wa salam. Et ce qui se passe, ce qui se produit de nos jours ou après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, tout ça indique la véracité des propos du prophète alayhi salatu wassalam. حيث انه اخبرنا بهذه الاشياء قبل حدوثها. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé de ces choses-là avant qu'elles ne se produisent. Hein? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a informé sa communauté que qu'elle est la toucher énormément de fitan, beaucoup de troubles. فقال كما في حديث العرباض بن السارية فإنه من يعيش منكم فسيرى إيش من يحفظ الحديث فسيرى إيش فسيرى اختلافا كثيرا. نعم. Le prophète Hassan dit dans ce hadith qui est connu, qui se trouve dans les 40 Nawawiya, le hadith de العرباض بن السارية. عرباد بن سارية سكنية الله أعلم كنيته موسى أبو نجيح. نعم أبو نجيح أحسنتم. على كل حال, donc ce compagnon il rapporte un hadith du prophète sallam où le prophète sallam il dit celui qui va vivre parmi vous, c'est-à-dire là il parle à ses compagnons, et celui qui va vivre, c'est-à-dire après moi, il va voir énormément de troubles, énormément de divergences. وقال في حديث آخر إن بين يدي الساعة فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. Il dit dans un autre hadith que avant la venue de l'heure, il y aura certes un temps rempli de fitan, rempli de troubles. Des troubles tellement grands qu'ils seront comparables aux ténèbres de la nuit ou d'une partie de la nuit. L'homme se lèvera au matin en étant croyant et il se couchera en étant mécréant. Et d'autres se lèveront en étant et d'autres se coucheront en étant croyant et se lèveront en étant mécréant. Wa min shiddatil fitan. Et ça fait partie, ou c'est à cause de la grandeur des troubles et leur force. à force de ces troubles qui vont toucher la communauté. وكذلك من الفتن تقليد الكفار. Et aussi fait partie des troubles le fait de que c'est propagé dans la communauté du prophète عليه الصلاة والسلام le fait d'imiter les kuffars. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جرح ضب لا دخلتموه. Et donc dans un autre hadith le prophète عليه الصلاة والسلام dit certes vous allez suivre les traditions des gens qui étaient avant vous. يعني شبرا بشبر وذراعا بذراع d'un empan, empan par empan, et de coudée à coudée, vous allez les suivre. Après il dit, et même s'ils rentraient dans un trou de reptile, vous allez y rentrer après eux. Et ça c'est pour yani hadi min al mubalagha li shiddat yani ta'athur al muslimin bil kuffar. Et ça montre vraiment l'impact que les kuffars pourront avoir sur certains parmi les musulmans, jusqu'à ce qu'ils vont vouloir les suivre dans tout ce qu'ils font. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il évoque, il dit hatta wa in kana ahaduhum ya'ti ummah fa sayajidu fi ummati man yaf'al dhalik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit même si l'un d'entre eux venait à avoir des rapports avec sa mère, on trouverait dans ma communauté quelqu'un qui fait la même chose. Na'am. Wa fi al hadith المعروف عن أبي واقد الليثي إذن الحديث de أبي واقد الليثي يقول هذا الصحابي يقول أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. Et donc ce compagnon il dit que ils sont sortis avec le prophète d'Allah, ils sont sortis de la Mecque pour aller vers حنين. وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم. Et lorsqu'ils allaient vers Hunayn, vers la bataille de Hunayn, ils sont passés devant un camp de mécréants, de mushrikines, d'associateurs. Et ils ont vu que ces associateurs, ils étaient assis au bord auprès d'un arbre de jujubier, le cidre, c'est le jujubier. Et ils accrochaient leurs armes aux branches de ce jujubier. En guise de quoi? En guise de bénédiction. Parce qu'ils avaient la croyance que cet arbre, le jujubier, pouvait leur être utile dans ce sens. Car le jujubier, c'est un arbre qui a eu énormément d'utilité. Lakin, il n'a pas cette utilité qu'ont cru les mushrikines. Donc les compagnons, quand ils sont passés devant ces mushrikines, certains parmi eux qui venaient de se convertir à l'islam et qui étaient encore un peu nouveaux et qui n'avaient pas la science encore du tawhid comme les premiers à avoir cru au prophète, certains parmi les compagnons ont cru que c'était une bonne chose. فمررنا قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة. Et donc après, les compagnons sont passés devant un arbre de jujubier énorme. Jujubier vert, énorme. Et dès qu'ils l'ont vu, ils ont dit قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاتِ. Fais en sorte que cet arbre-là soit un arbre comme l'arbre qu'on a vu chez les mushrikines. C'est un arbre que les mushrikines avaient appelé ذَاتَ أَنْوَاتِ. Donc ils ont demandé au prophète que il leur donne la même chose. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il s'est énervé. Il s'est mis en colère. فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بل إنكم قوم تجهلون. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il leur a dit ماذا vous avez certes proféré une parole comme la parole des gens du peuple de Moussa, lorsqu'ils ont dit à Moussa, « Oh Moussa, accorde-nous une divinité. » Et Moussa leur a répondu, « Certes, vous êtes un peuple d'ignorants. » Après le prophète, il a dit, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً. Et certes, parmi vous, il y en a qui vont suivre la sunna des gens qui étaient avant vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, pas à pas. Donc tout ça, ça montre vraiment le grand danger de succomber aux fitnes. Succomber aux fitnes comme celles que nous venons d'évoquer. Taïb qala, فَفِي هَذِي الْأَحَادِيثِ بيان على أنه ستحصل لهذه الأمة فتن كثيرة وأن بعض هذه الأمة لا يدع شيئا مما كان يعمل اليهود والنصارى. Donc c'est un hadith, il nous montre, il nous prouve que cette communauté elle va être touchée d'énormément de troubles et que certains de cette communauté ne lâcheront rien de ce qu'on fait les gens des communautés d'avant, les juifs et les chrétiens, sans le faire. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. Et c'est pourquoi le grand imam Sufyan ibn Uyayn, il avait l'habitude de dire que celui qui est devenu ou qui s'est égaré, qui est devenu pervers parmi nos savants, il s'est certes comparé, on peut le comparer au Yahoud. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont la science, mais Naam. Ils ne la mettent pas en pratique. Naam. Parce que les Juifs, comparés au, contrairement aux chrétiens, ce sont des gens de science. C'est des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un ilm. Comme c'est venu dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, c'est un hadith azim. Al-Bara ibn Azib, il raconte, il dit Murra ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi yahoudiyin muhammama majloudan. Il y a un juif qui est passé devant le prophète et ce juif il était embaumé d'une crème noire ou une couleur noire et en même temps il était fouetté donc il passe et des gens sont passés avec cette personne là devant le prophète alayhi salatu wassalam. Fa an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala ahakadha tajiduna hadd az-zina fi kitabikum. Le prophète sallallahu alayhi wasallam il a interpellé ces gens là en leur disant, ce sont des juifs hein, il les a interpellés en leur disant, est-ce que c'est ainsi que vous trouvez la sentence ou la sanction de celui qui commet la fornication? Et ces juifs, ماذا قالوا? قالوا نعم. Le prophète sallam leur demande, il leur dit, est-ce que c'est ça que vous avez trouvé dans la Torah comme sentence pour la fornication? Et haola iftira'an wa zuran yujibuna bi na'am. Et eux, en sachant bien que c'est pas la vérité, eux ils mentent et ils disent oui, c'est ce qu'on a trouvé dans la Torah. Tamam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من علمائهم. Et donc le prophète sallam il a appelé un homme parmi leurs savants. Il a appelé un homme parmi leurs savants. فقال انشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. Je te demande par Allah, celui qui a fait descendre la Torah sur Moussa. أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم. Est-ce que c'est comme ça que vous avez trouvé la sentence pour celui qui fait la fornication dans votre livre? فماذا قال هذا العالم؟ فقال لا. ولو لم أنشدتني بهذا لم أخبرك. Il dit, hein, ce docteur de Yahoud, il dit, non, c'est pas comme ça qu'on a trouvé dans la Torah. Il dit, mais si tu m'avais pas demandé de cette manière, c'est-à-dire que le prophète, il a dit, je te demande par Allah, celui qui a fait descendre la Torah sur Moussa. Donc quand il a entendu cette parole-là, le savant là, le juif, il a dit, il s'est dit, je vais dire la vérité. Et il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, si tu ne m'avais pas parlé de cette manière-là, je ne t'aurais pas informé. Je ne t'aurais pas informé. Et donc ça, ça montre la perversion des juifs. Lorsqu'ils ont caché la vérité sciemment. Et si on continue le hadith, donc cet homme-là, il dit Najiduhu al-Rajm. On a trouvé dans la Torah qu'en fait, la sanction pour celui qui a forniqué, c'est la lapidation. Lakinnahu kathura fi ashrafina. Après, il dit, mais cependant, c'est un péché, un délit, qui a augmenté chez nos tables. Fakunna idha akhadna sharif tarakna. Ça veut dire, si on saisissait le noble parmi nous, qui était tombé dans ce crime, alors on le laissait partir. On ne le châtiait pas. Wa idha akhadna ad-da'if aqamna 'alayhi al-hadd. Et si on attrapait le faible, alors lui, on appliquait sur lui la sentence, c'est-à-dire la lapidation. فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. Et ensuite, ils se sont dit, entre eux, les savants juifs, ils se sont dit, venez, on se rassemble et pour qu'on donne une sanction qu'on pourrait appliquer pour les nobles parmi nous, comme pour les plus besogneux. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. Et c'est là qu'il dit que donc on a remplacé la lapidation par التحميم, le fait d'embaumer le corps de la personne et de le fouetter. Et c'est là qu'on a remplacé ça par ça. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. Et donc le prophète il s'est tourné vers le ciel et il a dit, oh mon Seigneur, je suis le premier à refaire vivre ton ordre lorsque eux ils l'ont fait mourir. فنزلت قوله تعالى فأمر به أو فأمر به فرجم. Et donc le prophète il a donné l'ordre que ce juif qui était passé devant lui soit lapidé. طيب ثم قال فأنزل قوله فأنزل قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset où il dit, ô messager d'Allah, ne t'attriste pas pour ceux qui ne cessent de se précipiter vers la mécréance. Il a qawlihi wa in utitum hadha fakhuduh. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il évoque dans Surat Al-Ma'ida la parole qu'avaient les juifs, qui n'était autre que de dire si Mohammed vous ordonne tahmim, c'est-à-dire le fait d'embaumer le criminel et de le fouetter, fakhodo, prenez ce qu'il vous ordonne. Si c'est ça son ordre, prenez-le. Wa idha amarakum birrajm fahdharu. Et s'il vous ordonne la lapidation, alors là, délaissez. Tamam. Fa al-yahoud kanu ala hadha. فالله سبحانه وتعالى نزل بعد ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون كلها في الكفار. Ça c'est le hadith, là c'est ce que je viens de vous réciter, là c'est un hadith كامل avec les versets qui sont dans le hadith. À la كل حال, c'est pour vous montrer la parole de Sufyan ibn Uyayna ceux qui se sont pervertis parmi nos savants sont apparentiables aux Yahoud. Parce que les savants des Yahoud, ils se sont pervertis, ils sont égarés. Ils connaissent la vérité, mais ils la cachent. Ils la cachent sciemment. Naam. طيب. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ بِالنَّصَارَى كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ تَيْمِيَةِ فِي الْإِقْتِضَى. طيب. فبين بذلك كله خطورة التشبه بالكفار وأنه من الكبائر والوسيلة إلى هدم بلدان الإسلامية وانتشار الشركيات والبدع والضلالات. فالحذر من ذلك والبعد عن دعاة السوء الذين ينشرون تلك الأفكار المنحرفة في وسط المجتمع الإسلامي. Et donc là, on prend de ce qu'on vient d'évoquer, le fait de s'éloigner de s'apparencer à Haoula al-Qom. Car c'est l'une des plus. C'est l'un des chemins les plus empruntés par les gens, hein, pour aller vers l'égarement. N'aim. Il reste combien de temps avant la dame là? 5 minutes. طيب. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب حتى نأخذ شيئا من الكتاب.